France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 117. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 20 avril 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es vieux comme Hérode, tu es l'école des annales, tu es peinture rupestre ou parchemin médiéval, tu es pic de la Mirandole où Alain Decaux raconte, tu es 1515 à l'aéroport de Marignane et tu es aussi... Salut Hubert, t'as l'air de flipper ce matin. Je te dis pas, j'ai un contrôle d'histoire et je suis pas prêt. Tu pourrais pas planter le bus contre un arbre. Désolé mon petit pote, je peux pas le faire exprès, mais t'aurais peut-être de la chance. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu repasses tes leçons et tu prépares tes antisèches. Tu es best-of historique. Alors aujourd'hui, le zapping médiatique est frénétique. Nous passons d'une information à l'autre avec une rapidité de plus en plus folle. Ce qui est arrivé hier est vite périmé. Et pourtant, prendre un peu de recul historique apparaît comme une impérieuse nécessité. Ainsi, à l'heure où l'on voudrait nous faire gober que tout arrive pour la première fois, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin pendant 53 minutes de te rediffuser quelques pages illustrées de notre grand livre d'histoire. Et pour commencer, des hominidés aux homo sapiens, il faut te retracer l'épopée, à notre sauce bien sûr, de ce que peut être la fantastique évolution de l'humanité. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons que l'esprit médiéval n'a pas totalement disparu de nos vies et dans la foulée, nous constaterons justement, avec la merveilleuse troupe de Kaamelott, que le Moyen-Âge a beaucoup à nous apprendre. Et puis, nous nous sommes intéressés à la cérémonie élyséenne du lever et du coucher présidentiel orchestrée par le grand chambellan Claude Guéant. Et enfin, pour être tout à fait dans l'air du temps, nous reviendrons sur les pics emménagements de Monique et Jean-Claude dans l'intemporelle bourgade de Grosboule-les-Bains. C'était à l'automne dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et remonte le temps. Mask skills coming with the fever, fever, fever. Stayin' Alive, version revisitée en 1995 par le gangsta rap britannique N-Trance. Stayin' Alive, autrement dit rester en vie, c'est la préoccupation majeure des homo sapiens sapiens qui, contrairement aux néandertaliens, avaient lu toute l'œuvre de Charles Darwin. Quand rien n'est pire de mourir de la peur de mourir de la mort. Alors ce matin, pour amorcer notre best-of historique, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser au premier temps de l'humanité, à savoir la préhistoire. Mais avant tout, étudier la préhistoire, c'est être confronté à un paradoxe infernal. En effet, plus les paléontologues accumulent des indices du passé, et moins ce passé devient compréhensible. Ainsi, en 1974, on croit avoir trouvé notre ancêtre le plus ancien. Un bipède âgé de 3 millions d'années. Mais pourquoi ce nom, Lucie ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fouillant la terre éthiopienne, Yves Coppens et ses copains écoutaient cette chanson des Beatles. Incroyable. La découverte de Lucie permet à Yves Coppens de développer sa célèbre hypothèse de l'East Side Story, selon laquelle la formation du Grand Rift africain aurait transformé l'Afrique de l'Est en une immense savane, un milieu qui incita les primates hominoïdes à se redresser. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Lucie nous a ainsi été présentée comme la grand-mère de l'humanité. Mais un jour, pour elle, tout s'est écroulé. L'hypothèse de l'East Side Story s'est donc effondrée avec la découverte en 2001 dans le désert tchadien du sympathique Toumaï, un bipède âgé de 7 millions d'années, soit 4 millions de plus que Lucie. Et oui, les bipèdes existaient à l'ouest du rift africain et depuis bien longtemps. La loose pour Coppens, quoi, qui a dû renoncer à toute sa théorie. Parce que marcher sur ses deux pattes arrière, ça ne fait pas d'une bestiole un homme. Le critère à retenir pour faire partie du genre homo, ce serait plutôt la fabrication d'outils. C'est pourquoi l'homo habilis, qui exerçait ses talents il y a 2 millions d'années, peut être considéré comme notre plus ancien parent. Et dans la grande famille des hominidés, le représentant suivant, le plus important, c'est sans doute l'Homo erectus qui vivait en Asie. Lui, il maîtrise le feu, améliore les outils et puis surtout, l'Homo erectus, il mérite bien son nom. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. L'Homo erectus est donc asiatique. En Europe, son cousin, c'est l'homme de Totavel, l'ancêtre des Néandertaliens. Car sur notre continent, il y a 300 000 ans, vivaient les hommes de Néandertal, nos cousins les plus proches, sans être nos ancêtres directs, comme on l'a pourtant longtemps cru. Et oui, de toutes les espèces d'hominidés, la seule que l'Homo sapiens, autrement dit nous, ait rencontrée, c'est l'homme de Néandertal, une vraie force de la nature. Toi, t'es un gros balèze, tu peux porter des grosses branches. Moi, je suis Rikiki. Et ton machin aussi, les Rikiki ? Peut-être, mais avec mon machin Rikiki et ma cervelle surdéveloppée, je peux faire apparaître le feu. Très intéressant. Voyons si la cervelle sera triomphée des muscles ce soir. Tu relèves le défi ? Les Néandertaliens et les Homo sapiens ont donc vécu des dizaines de milliers d'années côte à côte dans une Europe marquée par les glaciations où chaque scène se tire la bourre en permanence pour sa survie. Seulement voilà, les Néandertaliens n'ont pas survécu aux Homo sapiens qui demeurent aujourd'hui le seul genre humain. L'Homo sapiens, représenté en France par l'homme de Cro-Magnon, c'est tout simplement nous, comme te l'expliquait déjà Jean Rostand en 1959. Je pense que si on pouvait avoir congelé dans les glaces, si on avait quand même qu'il y a des mammouths congelés, si on avait pu congeler un petit homme de Cro-Magnon, et si on le mettait actuellement sur les bancs de l'école, je pense qu'il serait exactement pareil à nous. L'homme évolue surtout socialement. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est l'évolution psychologique, l'évolution culturelle, l'évolution sociale. Mais depuis l'homme de Cro-Magnon, je pense qu'il n'y a pas eu d'évolution organique, biologique. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Ainsi, les Homo sapiens de la préhistoire nous ressemblent complètement par leur physique et énormément par leurs émotions. C'est sûr qu'en revanche, l'environnement naturel, lui, n'est plus tout à fait le même. Nous sommes en moins 35 000. Dans cette nature intacte et sauvage, les mammouths cohabitent paisiblement avec les chevalmouths, les poulemouths et les vermouths. Ignorant le mal, ne craignant que la nuit, c'est ici que vivent nos ancêtres, les premiers hommes. Très bien, on va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Pierre ? Pierre ? Évidemment, encore absent celui-là. Eh oui, il manque toujours un maillon pour comprendre l'incroyable aventure de l'humanité. Et ce qui est aujourd'hui certain, c'est que l'aventure humaine n'est pas faite d'une succession d'espèces qui se suivraient de manière linéaire, mais plutôt de ramifications complexes de différentes familles. Au final, de toutes les espèces d'hominidés qui ont vécu sur Terre, il n'y a aujourd'hui qu'un seul représentant, c'est-à-dire nous, dont il ne restera peut-être aussi que quelques fragments dans 3 millions d'années. Là 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeai dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noua une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pythée contre Robus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, confirme que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait le bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées. L'homme fossile, c'est celui que découvrait Serge Reggiani en 1968. Aujourd'hui, un homme au fossile, c'est avant tout une drag queen, bien sûr. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de l'évolution des premiers hommes, il est temps désormais au Mangin Palace de constater ensemble que l'esprit médiéval n'a jamais réellement disparu. Oui, mon ami, sais-tu où se niche le Moyen-Âge aujourd'hui? Connais-tu par exemple les origines de ce qu'on peut qualifier de paraskevidekatriaphobie, autrement dit, la trouille du vendredi 13. Eh bien, certes, les origines de cette superstition sont multiples, mais parmi les plus plausibles, il se peut fort que le vendredi 13 octobre 1307 y soit pour beaucoup. À l'époque, le vicaire du Christ et le roi de France, Philippe le Bel, s'avoinaient la tronche tous les jours pour savoir qui était véritablement le taulier. Seulement voilà, au cœur de cette chamaillerie, le pape disposait d'une équipe de barbouzes surentraînés, les chevaliers du Temple. Inquiet de cette force armée présente sur son territoire, le roi de France organisa Fissa, l'arrestation surprise et massive des Templiers, ce vendredi 13 octobre 1307. Ainsi, parce qu'elle inaugurait la fin tragique des légendaires chevaliers du Temple, cette date est devenue synonyme de malheur dans la société médiévale. D'autant plus que ces pro-chevaliers étaient de valeureux chrétiens. D'ailleurs, leurs patronymes ont traversé les siècles. Il y a ceux dont le nom est issu du terroir, de Villiers, du latin Villare, le domaine rural, Cheminade, l'homme qui habitait à l'écart du village, ou Chirac, un nom de lieu originaire de Corrèze, caractérisé par une pierre druidique. Il y a les patronymes qui ont beaucoup voyagé, c'est le cas de Balladur, Pierre-Gabriel Gonzalez. C'est un nom qui est parti de France au Moyen-Âge, c'était un nom qui évoquait une danse, qui était la Balladoire, une danse qui a été d'ailleurs assez très vite considérée comme une danse licencieuse par l'Église. Donc ce nom est parti, je pense, au moment des croisades vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, et ensuite il est resté là-bas. Eh ben, la Balladoire, dites-vous, la lambada médiévale, mais qui l'eût cru ? Désormais, nous savons que l'ancêtre de Monsieur Balladur n'était autre que le Francky Vincent du Moyen-Âge. Vas-y, doudou, c'est mou. Mais le Moyen-Âge, ce fut également l'époque où Charlemagne décida d'instruire les sujets de son royaume, l'époque où les moines copistes rivalisaient de virtuosité sur le sublime des enluminures, l'époque où partout en Europe furent créées les universités, où les sujets d'études, là aussi d'ailleurs, n'ont guère évolué. Une thèse sur quoi ? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi ? Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas dit ça ? Non. Au lac de ? Paladru ! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors ? Pour faire parler les cons. Pas comme lui. Oui, c'est ainsi. Mais le Moyen-Âge trimballe une sale réputation chez nos contemporains. Dès que tu prononces l'adjectif médiéval, apparaît immédiatement l'omniprésence et l'hostilité de la forêt, le loup dans les bois, un troll hideux sur le dos d'une licorne, une époque irrationnelle faite de légendes obscures et terrifiantes. Oui, enfin bon, nous aussi, hein, on a la fée Morgan dans un conte signé Paul Gut. Je me sens plus un personnage du Moyen-Âge qu'un personnage du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Je ne sais pas, je crois que c'est une question de physique. Je me vois mieux dans les vêtements du Moyen-Âge, dans les costumes du Moyen-Âge, que dans ceux du XVIIIe. Vous aimez l'histoire de France, Michel Morgan ? J'adore l'histoire de France, c'est une passion, j'ai toujours aimé l'histoire de France. J'ai toujours acheté des bouquins d'histoire, j'ai toujours aimé tout ce qui a trait au passé. C'est une passion chez moi. Alors, vous pensez si j'ai lu aussi le livre de l'histoire de la douce France de Paul Gut ? Qui est une innovation. Généralement, on ne raconte pas l'histoire de cette façon. Oh, c'est charmant, c'est très agréable, très facile. On le lit vraiment comme un roman, c'est très amusant. Eh oui ! Grâce à Paul Gut, dis donc, le médiéval, c'est génial. D'ailleurs, pour relancer l'intérêt de chacun et chacune à l'égard du Moyen-Âge, il faudrait réintroduire dans les provinces de France des troubadours qui sillonneraient les marchés le dimanche matin afin de nous conter de belles histoires. Remarque, tu me diras là encore, au printemps dernier, quelques joyeux ménestrels New Age ont repris du service. Sarko, oh oh, Sarko à l'Élysée, oh Sarko, oh oh. Cela dit, il paraît que depuis quelques semaines, les ménestrels, au service de Sa Majesté, connaissent quelques déboires dignes de la vie d'un château au Moyen-Âge, figure-toi. T'en es passé des choses. Le roi s'est remarié, la nouvelle reine, c'est pas un cadeau. M'a obligé à faire de la nouvelle cuisine. Évidemment, lui, c'est joli, mais le boulot, faut y masser menu. Amaury ! La voilà. Qu'est-ce que c'est que ce travail, Amaury ? C'est une salade folle au petit chou frais du jardin, avec quelques feuilles de mesclun et un émincé de langue de homard au pêcheur dans son filet, Majesté. C'est de la merde. Eh oui, encore une preuve de la modernité médiévale, puisqu'en effet, la vassalité n'est point l'apanage du Moyen-Âge. Bon, alors maintenant, afin d'essayer de convaincre les derniers réfractaires que le Moyen-Âge peut être authentiquement joyeux, nous avons convoqué des spécialistes de la question, à savoir la merveilleuse troupe de Kaamelott, qui vient nous démontrer que nous avons beaucoup à apprendre de ces temps reculés. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Vous avez tous entendu prononcer des mots un peu pompeux, comme ça, la noblesse, la chevalerie. Pardon, voilà, alors, la chevalerie, voilà, un mot qu'on entend prononcer à tort et à travers sans arrêt comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, la chevalerie ? Yvan. C'est pas là où on range les chevaux ? Mon oncle, un autre exemple de chevalerie. Admettons qu'on tombe sur un manant et qu'on désire lui soustraire quelques renseignements. On ne dit pas « Manant, montre-nous le chemin ou tu tâteras de mon épée ». Non, mais plutôt « Brave homme, garde courage en ton cœur, sois digne à chaque instant, adopte une posture avantageuse ». Est-ce bien le chemin qui mène au château ? Bon, on va arrêter le tir deux minutes, là. La chevalerie, c'est avant tout un art de vivre. Noblesse bien remisée ne trouve jamais l'hiver à sa porte. Non, porte close. Pardon. J'ai dit stop ! Je vais tenter de vous donner une définition de la chevalerie. Seulement, c'est pas évident. La notion est complexe, mon oncle. Bah, je pense bien, surtout que pour vous, il faut que je simplifie, c'est pas de la tarte. La chevalerie, c'est avant tout l'abnégation. Oh, yeah. c'est très généreux de votre part, mon oncle. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes barré ! Nous exprimons notre satisfaction. Ah bah c'est quand même une bonne nouvelle. Quoi ? Quelle nouvelle ? Ah non, c'est le bal des nations. De quoi ? Nous, on parle du bal des nations. Eh ben oui, c'est pas ça que vous avez dit ? Abnégation. Ah ben c'est pas une fête. Ah zut, non, c'est dommage. Est-ce que très éventuellement, vous pourriez fermer vos mouilles 30 secondes ? Parce que là, on va pas s'en sortir. Pardonnez-nous, mon oncle. L'abnégation. Il s'agit d'une grande qualité des chevaliers qui leur permet de penser aux autres avant eux-mêmes. Si vous tombez sur 3 mecs qui tapent sur un seul, vous êtes toujours du côté de celui qui est tout seul, peu importe ce qu'il a fait. Ah bon ? C'est marrant parce que mon père, il a une phrase presque pareille. On peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon. Darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a sh. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let. Your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go. Your eyes.

évidemment, il y a une belle vue, quartier plus chic. Oui, oui, j'ai envie de quelque chose de plus grand, de plus beau, dans un quartier plus chic. Et je ne vois pas ce qu'il y a de... Je voulais simplement dire qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on pourrait peut-être réfléchir encore un peu, c'est tout. Mais si on dit ça, à chaque fois, on ne bougera jamais. C'est ainsi que depuis plusieurs années, Monique et Jean-Claude sont locataires. Sauf que maintenant, depuis l'annonce du président, qui veut une France de proprio, le sarkozyste de Jean-Claude a décidé d'investir dans la pierre. Et la semaine dernière, Jean-Claude a pris quelques rendez-vous pour visiter des appartements. Et il est ponctuel. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi, j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix. Je voudrais savoir le confort, comme on dit, j'en ai envie. La jeune personne chargée des visites de l'appart est sans doute prête à répondre aux envies du Jean-Claude. Elle est charmante et le conduit vers le logement à vendre. Jean-Claude, qui se sent bien conseillé, s'interroge sur ce métier particulier d'agent immobilier. Et comment vous faites avec les autres ? Ben, ça dépend, il y a des clients qui hésitent, bavards comme chez coiffeur, puis il y en a d'autres qui savent précisément ce qu'ils veulent. Et vous les écoutez ? J'essaye. D'ailleurs, ceux qui parlent le plus sont jamais ceux qui finissent par signer. Et comme je paye à la commission... Je vous promets de faire attention. Moi, je pourrais pas faire votre métier. Je dirais la vérité sur les maisons. Je crois que je suis trop honnête. J'ai du mal à le croire. Ah, enfin, ment tous. Des hommes, surtout. Non, ça, c'est vraiment des phrases de vieux dragueurs. Ah. Comment ça, vieux dragueur ? Et pourquoi vieux, d'abord ? Surtout que l'appartement qu'il visite est complètement pourri. Jean-Claude retourne immédiatement à l'agence et là, un nouveau logement lui est présenté, une vraie affaire, un sublime pavillon à la campagne situé dans la charmante bourgade de Grosboul-les-Bains. L'agent immobilier lui décrit alors la demeure. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Cette maison, Jean-Claude, il la veut absolument car il est tombé sous le charme de la commune de Grosboul-les-Bains. Mais avant de signer, Jean-Claude fonce voir son banquier pour connaître les critères précis afin d'obtenir un prêt immobilier. Le conseiller fiscal connaît par cœur son métier. Ça dépend des critères, il faut voir si l'angle est bien ouvert. Ça dépend de la moyenne, ça dépend du courant, ça dépend de la vitesse du vent et de l'âge du capitaine. C'est trop compliqué pour détailler les conditions bancaires d'accession à la propriété. Jean-Claude signe donc sans attendre et sans réfléchir la promesse d'achat. Mais maintenant, pour Jean-Claude, il y a une grosse urgence. Il faut que Monique accepte l'acquisition de cette superbe maison. Pourtant, Monique reste sceptique. Oh, mais c'est trop précipité, la chasseuse. T'as pas une photo, quelque chose ? Mais il y a tous les plans en annexe, enfin. Et puis attention, hein, t'es pas la seule sur la liste, hein, attention, hein. Tu me fais pas confiance, c'est ça ? Mais c'est pas ça ! Mais Jean-Claude, je t'assure, je sais pas trop, là, je... Et puis en plus, si tu signes tout de suite, je t'offre un superbe robot de cuisine. Mais t'es fonction ? Oui. Jean-Claude a donc réussi à convaincre Monique en utilisant l'argument imparable du robot multifonction. Jean-Claude est fou de joie, il jette Monique dans la bagnole pour la conduire jusqu'à la maison qu'il vient d'acheter. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. À la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Oui, car quand Monique verra la jolie maison de Grosboul-les-Bains, elle oubliera son vieil appart minable. Et en effet, Monique est immédiatement séduite, tout autant que Jean-Claude. Les voilà enfin propriétaires, jamais ils n'ont été aussi proches de la pensée sarkozienne. Ainsi, Monique et Jean-Claude viennent de faire l'acquisition d'une jolie maison à Grosboul-les-Bains. Tout va très vite, c'est sublime, et il faut déménager, Monique est euphorique. On va commencer par déplacer le grand canapé blanc. On continuera par enlever tous les guéridons blancs. Attention, mes doigts sont en danger. n'accroche pas le lustre du salon. Pousse encore et mets-toi de côté. Presse-toi un peu, ça va, c'est bon. Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Comme ils sont prévoyants, pour déménager tous les étages, Monique et Jean-Claude ont fait appel à tous leurs amis, de solides gaillards et des rois de l'organisation. Bon, on finit de remplir le camion. Oui. Sam, avec Léa, vous chargez ta camionnette avec les cartons qui sont là. Je t'arrête, j'ai eu mieux qu'une camionnette. Hein. Plus confortable, mais alors bon... Mais alors bon plus petit, quoi. Plutôt du genre estafette, toi. Hein? Mais bon, attention, confort de conduite, rien à voir. Il hein. Y a le CD avec et tout, enfin bon... Voilà, on n'a plus le choix, on utilise la camionnette des Roumains, puis on se paye le cul avant que les flics reviennent. Vous videz la cuisine ? Ah non, ça va être galère, ça. Oh, Jean, arrête de te plaindre. Hein, je peux la voir, ton estafette ? Et quand Jean-Claude aperçoit l'estafette, il comprend malheureusement qu'il va devoir faire des dizaines d'allers-retours. Mais peu importe, tout le monde se met au travail. Et pour entamer le déménagement, Jean-Claude commence par descendre le gros canapé. Quand tout à coup... Allô ? Allô ? Maman, mais qu'est-ce que tu fous ? Hein ? Mais oui, bien sûr qu'il marche ton portable. Mais viens vite, là. Oui, je bouge, là, je bouge tout le temps. Oui, bien sûr, toi aussi, tu peux bouger, maman, s'il te plaît, là, j'ai d'autres problèmes, hein. Alors, dépêche-toi, hein. Ah oui, à tout de suite. C'est ma mère, elle s'est acheté un portable, elle me tue, elle trouve ça miraculeux quand quelque chose marche correctement. Ouais, allez, on dépêche, hein. Allez. Ah, oh, qu'est-ce que t'as? Oh, mais tu m'as tué la main, là. Eh, ben, t'as qu'à chercher dans un carton, il y a marqué pharmacie dessus. T'as le droit à quel pourcentage de pertes humaines, là, sur ce déménagement? En vérité, Jean-Claude avait tablé sur des pertes humaines de 4% pour son déménagement. Ce fut d'ailleurs le cas entre tendinite et courbatures multiples. Le soir venu, épuisé dans sa nouvelle bicoque, le cul sur un carton, Jean-Claude dit à Monique qu'il adore leur nouveau dressing. Oui, sauf que Monique lui fait remarquer que là, c'est plutôt le... Voilà, le déménagement est terminé. Monique et Jean-Claude se retrouvent à la nuit tombée dans leur nouvelle maison pleine de cartons entassés. Mais soudain, Jean-Claude se rend compte qu'il y a un énorme problème. Monique a tout fichu dans les cartons, même les mômes. Et pour mettre la main dessus, c'est un peu compliqué. Jean-Claude retrouve rapidement Elsa rangée avec les vêtements, mais rien sur Rémi. Jean-Claude reste zen quand il interroge Monique. Mais cet enfant, où l'as-tu mis ? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Hélas, Monique est épuisée par le déménagement et elle ne se souvient pas où elle a rangé Rémi. Ah, ce n'est pas grave. Le chercher va les obliger à vider tous les cartons jusqu'au dernier, ce qui est assez rare dans la foulée d'un déménagement. Voilà, fin de l'histoire. En réalité, Rémi avait été rangé dans le carton des instruments de musique. Ça tombe plutôt bien, puisque Rémi, il aime la musique. Et ça, Jean-Claude, il s'en souvient, c'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent. Je me souviens, moi, de ce musicien. Un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. Et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, maison vide, dans la chambre vide. Je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide. Je passe ma vie à regarder les photos qui passent comme des menaces. Et j'entends l'autre moi, je m'attends seul. C'était Michel Polnareff seul dans sa baraque en 1969. Au passage, des maisons vides, il y en a plus de 2 millions en France aujourd'hui. Une aubaine pour le droit opposable au logement. Alors, nous voici donc arrivés au terme de cette rediffusion spatio-temporelle. De Cro-Magnon dans sa grotte à Jean-Claude dans sa bicoque, du grimoire à Wikipédia et des barbouzes chevaleresques au baldaquin élyséen, nous t'avons offert ce matin un petit voyage historique, complètement subjectif bien sûr et totalement incomplet. Pour finir, après ce patchwork, tu as pu constater que la panique possède une authentique machine à remonter le temps. C'est parfait. Mais sais-tu que nous avons également à notre disposition un engin qui explore l'avenir et qui nous permet d'anticiper les changements stratégiques? Je dédie ce disque à mes chers amis de France Inter. Je devrais dire plutôt à mes futurs collaborateurs, puisque nul n'ignore dans les milieux bien informés que monsieur le Premier ministre m'a laissé entendre que d'ici un an ou deux, je deviendrai votre directeur général. Donc, passez ce disque ou ne le passez pas, mais sachez que je note soigneusement tout ce qui est diffusé sur votre antenne. Nous allons voir si, d'ici un jour ou deux, il y a véritablement une différence. Merci. C'était Jacques Martin, un comédien qui a connu l'Empire. Voilà, fin du 117e épisode, tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était « C'est quoi l'histoire de l'humanité ?» sacrément revu et fichtrement corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure inédite, Total Foutraque et Archiloufoque bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Morin, merci beaucoup à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Claire-Sophie Collet et à Sarah Fleury, nos stagiaires. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot pour ses recherches, à Lina. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter, après le flash vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve dès dimanche prochain en direct à 11h sur France Inter. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien, ciao. Il couine encore ces salauds-là. Thank you.